Chapitre 5. Le voyage de Weber et de son prisonnier ne fut troublé par aucun incident. Langlade, encore tout hébété des suites de son ivresse, était blotti dans un des angles de la voiture et ne disait mot. L'agent de police le surveilla attentivement, une main sur son pistolet. Il était prêt à faire feu à la moindre tentative d'évasion. Il ne voulait pas que sa capture lui échappât au moment d'atteindre le port. À quelques pas de la préfecture, Weber ordonna au cocher d'arrêter, et comme Langlade s'apprêtait à descendre. « Un mot, je te prie, » lui dit-il en le prenant par le bras. « Encore ?» grommela le forçat. « Rassure-toi, ce ne sera pas long. Il s'agit simplement de bien nous entendre. « Vas-y, » fit Langlade d'un air résigné en s'enfonçant dans son coin. « J'ignore, » reprit Weber, « quelle opinion tu as des agents de police en général. Il est probable qu'elle n'est pas excellente et cela se comprend. Mais j'ai mon petit amour-propre personnel et je désire que tu penses de moi le moins de mal possible. Résumons-nous donc et posons bien nettement la question pour que tu n'aies jamais de reproche à m'adresser. Te désirais voir soleil couchant, je t'ai promis que tu la verrais et je tiendrai ma parole d'abord parce que je n'ai aucun intérêt à ne pas la tenir, ensuite parce qu'un agent de police qui se respecte et qui respecte sa profession ne doit pas, suivant moi, tromper un malfaiteur. Ce serait descendre trop bas. Mais sache bien qu'en mettant les pieds à la préfecture, tu n'es plus qu'un forçat en rupture de ban, un récidiviste, un être dangereux en lutte ouverte avec la société et contre lequel on ne peut pas prendre trop de précautions. Tu n'as plus à compter sur moi. Mon influence cesse à la porte de l'immeuble que tu vois se dresser devant nous. Tout à l'heure encore, j'étais pour toi un voisin de table, un compagnon de route, un camarade à qui tu n'arrêtes tes chagrins domestiques. Maintenant, je deviens un simple employé de la préfecture. Je t'ai arrêté, je te remets acquis de droit, et advienne que pourra, ma tâche est remplie. Je retourne à mes autres affaires. Tu ne me quitteras pas sans m'avoir fait voir soleil couchant, dit Langlade, qui, toujours poursuivi par son idée fixe, n'avait prêté qu'une médiocre attention au discours de Weber. C'est entendu, répliqua celui-ci, mais avant de nous faire nos adieux, rends-moi le service de me confier tes deux mains. Pourquoi ? Pour te mettre les menottes. « Mais je ne ferai de mal à personne, » dit le forçat, tout à fait dompté et plus doux qu'un enfant. « C'est à soleil couchant que j'en veux. »« Mon ami, » répliqua Weber, toujours doucereux, « depuis 4 heures que nous vivons côte à côte, je t'ai suffisamment prouvé, je crois, que je n'avais aucune peur de toi. Mais à partir de maintenant, nous ne serons plus seuls. Je vais te faire monter des escaliers, traverser des corridors, entrer dans des bureaux où tu seras rencontré par une foule de personnes qui te connaissent de vue ou de réputation, et qui tu inspires des craintes très exagérées, j'en conviens, mais des plus sérieuses. C'est dans l'intérêt de leur repos que je te propose cette petite mesure de précaution. Sois assez bon pour t'y prêter. Si j'ai les menottes, fit naïvement et d'une voix très douce observer le forçat, je ne pourrais pas tuer soleil couchant. D'abord, dit Weber, les menottes n'empêchent pas de lever les bras et de les laisser retomber sur la tête de quelqu'un. Avec la force que tu as le bonheur de posséder, un mouvement de ce genre te suffirait pour te débarrasser de plusieurs faibles femmes. Ensuite, comme la vie de soleil couchant, je te l'ai déjà dit, mais complètement indifférente, je m'engage, si tu y tiens, à te faire ôter les menottes lorsque tu seras en sa présence. « Alors finissons, je suis pressé, » dit Langlade en tendant les mains à Weber. Weber profita de la permission et s'adressant au cocher, « Prends la rue de Jérusalem, entre dans la cour de la préfecture et arrête-toi devant le grand escalier. » 5 minutes après, Weber, après s'être fait annoncer, pénétrait avec sa capture dans le cabinet du chef de la police de sûreté. Il s'avança vers le bureau et dit « J'ai tenu ma promesse, je vous l'amène. »« Qui ?» demande le chef en levant la tête. « Langlade, le voici. »« Et c'est vous qui l'avez arrêté ? Moi seul. Ne m'y étais-je pas engagé ?»« C'est bien, monsieur. » « Je vous remercie pour mon compte personnel. Vous nous avez rendu un signalé service. Dans 1 heure, je verrai monsieur le préfet et je vous promets de lui parler de vous. »« Comme vous voudrez, monsieur, » dit Weber. « Mais je refuserai toute espèce de gratification pour cette campagne qui m'a vivement intéressé et qui m'a distrait d'autres préoccupations. J'ai seulement une prière à vous adresser. Elle est accordée d'avance. » Le chef du service de sûreté se leva et alla causer avec Weber dans l'embrasure d'une fenêtre. « C'est entendu, » lui dit-il au bout d'un instant d'entretien. Je suis de votre avis, du reste, il faut toujours tenir les promesses faites à ces gens-là. Ils nous craignent, ils nous haïssent, ils nous tuent, mais ils sont forcés de nous estimer. Je vais faire conduire Langlade pour quelques heures dans une des cellules de la conciergerie et donner des ordres au sujet de sa maîtresse. « Je désirerais, » dit Vibert, « m'entretenir quelques minutes avec cette femme avant qu'on la mette en présence de Langlade. J'ai un point important à éclaircir au sujet d'une autre affaire et elle peut me donner des renseignements utiles. » « Cela suffit. Vous n'avez qu'à vous rendre au dépôt. Voici une note pour le gardien-chef. » Vibert salua et se retira, tandis que des agents appelés par le chef de la police de sûreté conduisaient Langlade à la conciergerie. Cet homme si énergique, si brutal, si terrible, suivit tranquillement ceux qui s'emparèrent de lui. Il n'avait qu'une préoccupation, revoir Soleil couchant le plus vite possible. Toute résistance eut retardé le moment qu'il désirait ardemment. La nouvelle de son arrestation s'était rapidement répandue dans les bureaux de la sûreté, au secrétariat et dans la première division. De jeunes employés, des garçons de bureau, quelques étrangers qui se trouvaient en ce moment-là à la préfecture, accouraient pour le voir passer. Il promenait sur tout ce monde un regard indifférent et tranquille. Que lui importait cette foule ? Il réservait toutes ses colères pour la femme qu'il avait trahie, qu'il avait livrée.